Chapitre 3. Marie-Anne. Les études de ma jeunesse ont développé en moi une passion qui a fini par empiéter sur toutes les autres. C'est le désir de savoir, ou si vous aimez mieux l'appeler autrement, la curiosité. Jusqu'au jour où je suis parti pour Athènes, mon seul plaisir avait été d'apprendre, mon seul chagrin d'ignorer. J'aimais la science comme une maîtresse, et personne n'était encore venu lui disputer mon cœur. En revanche, il faut convenir que je n'étais pas tendre, et que la poésie et Hermann Schulz entraient rarement par la même porte. Je me promenais dans le monde comme dans un vaste muséum. La loupe à la main, j'observais les plaisirs et les souffrances d'autrui comme des fêtes dignes d'étude, mais indignes d'envie ou de pitié. Je ne jalousais pas plus un heureux ménage qu'un couple de palmiers mariés par le vent. J'avais juste autant de compassion pour un cœur déchiré par l'amour que pour un géranium grillé par la gelée. Quand on a disséqué des animaux vivants, on n'est plus guère sensible aux cris de la chair palpitante. J'aurais été bon public dans un combat de gladiateurs. L'amour de Fotini pour John Harris eût apitoyé tout autre qu'un naturaliste. La pauvre créature aimait à tort et à travers, suivant la belle expression d'Henri IV, et il était évident qu'elle aimerait en pure perte. Elle était trop timide pour laisser percer son amour, et John était trop brouillon pour le deviner. Quand même il se serait aperçu de quelque chose, le moyen d'espérer qu'il s'intéresserait à une laideron naïve des bords de l'Ilissus. Fotini passa 4 autres journées avec lui, les 4 dimanches d'avril. Elle le regarda du matin au soir, avec des yeux languissants et désespérés. Mais elle ne trouva jamais le courage d'ouvrir la bouche en sa présence. Harry sifflait tranquillement, Dimitri grondait comme un jeu de dog, et moi j'observais en souriant cette étrange maladie dont ma constitution m'avait toujours préservé. Mon père m'écrivit sur ces entrefaites pour me dire que les affaires allaient bien mal, que les voyageurs étaient rares, que la vie était chère, que nos voisins d'en face venaient d'émigrer, et que si j'avais trouvé une princesse russe, je n'avais rien de mieux à faire que de l'épouser sans délai. Je répondis que je n'avais trouvé personne à séduire, si ce n'est la fille d'un pauvre colonel grec, qu'elle était sérieusement éprise, mais d'un autre que moi, que je pourrais, avec un peu d'adresse, devenir son confident, mais que je ne ferais jamais son mari. Au demeurant, ma santé était bonne, mon herbier magnifique. Mes recherches, renfermées jusque-là dans la banlieue d'Athènes, allaient pouvoir s'étendre plus loin. La sécurité renaissait. Les brigands avaient été battus par la gendarmerie, et tous les journaux annonçaient la dispersion de la bande d'Algis Stravos. Dans un mois au plus tard, je pourrais me mettre en route pour l'Allemagne et solliciter une place qui donna du pain à toute la famille. Nous avions lu le dimanche 28 avril, dans le siècle d'Athènes, la grande défaite du roi des montagnes. Les rapports officiels disaient qu'il avait eu 20 hommes mis hors de combat, son camp brûlé, sa troupe dispersée, et que la gendarmerie l'avait poursuivi jusque dans les marais de Marathon. Ces nouvelles, fort agréables à tous les étrangers, avaient paru causer moins de plaisir aux Grecs, et particulièrement à nos hôtes. Christodule, pour un lieutenant de la phalange, manquait d'enthousiasme, et la fille du colonel Jean avait failli pleurer en écoutant la défaite du brigand. Harris, qui avait apporté le journal, ne dissimulait pas sa joie. Quant à moi, je rentrais en possession de la campagne, et j'étais enchanté. Dès le 30 au matin, je me mis en route avec ma boîte et mon bâton. Dimitri m'éveilla sur les 4 heures. Il allait prendre les ordres d'une famille anglaise, débarquée depuis quelques jours à l'hôtel des étrangers. Je descendis la rue d'Hermès jusqu'au carrefour de la Belle Grèce, et je pris la rue d'Éole. En passant devant la place des canons, je saluai la petite artillerie du royaume, qui sommeille sous un hangar en rêvant la prise de Constantinople, et j'arrivais, en 4 enjambées, à la promenade de Patissia. Les mélias, qui l'abordent des deux côtés, commençaient à entr'ouvrir leurs fleurs odorantes. Le ciel d'un bleu foncé blanchissait imperceptiblement entre l'Hymette et le Pentélique. Devant moi, à l'horizon, les sommets du Parnasse se dressaient comme une muraille ébréchée. C'était le but de mon voyage. Je descendis par un chemin de traverse jusqu'à la maison de la comtesse Jante Theotoki, occupée par la légation de France. Je longeai les jardins du prince Michel Soudzo de l'académie de Platon, qu'un président de l'aéropage mit en loterie il y a quelques années, et je rentrais dans le bois d'olivier. Les grives matinales et les merles, leur cousin Germain, sautillaient dans les feuillages argentés et bavardaient joyeusement sur ma tête. Au débouché du bois, je traversais de grandes orges vertes où les chevaux de l'Attique, courts et trapus comme sur la frise du Parthénon, se consolaient du fourrage sec et de la nourriture échauffante de l'hiver. Des bandes de tourterelles s'envolaient à mon approche, et les alouettes huppées montaient verticalement dans le ciel comme les fusées d'un feu d'artifice. De temps en temps, une tortue indolente traversait le chemin, entraînant sa maison. Je la couchais soigneusement sur le dos, et je poursuivais ma route en lui laissant l'honneur de se tirer d'affaire. Après 2 heures de marche, j'entrais dans le désert. Les tracés de culture disparaissaient. On ne voyait sur le sol aride que des touffes d'herbes maigres, des oignons d'ornithogales, ou de longues tiges d'asphodèles desséchées. Le soleil se levait, et je voyais distinctement les sapins qui hérissent le flanc du Parnasse. Le sentier que j'avais pris n'était pas un guide bien sûr, mais je me dirigeais sur un groupe de maisons éparpillées au revers de la montagne, et qui devait être le village de Castilla. Je franchis d'une enjambée le Céphise et le Zinien, au grand scandale des petites tortues plates qui sautaient à l'eau comme de simples grenouilles. À 100 pas plus loin, le chemin se perdit dans un ravin large et profond, creusé par les pluies de 2 ou 3 000 hivers. Je supposais avec quelque raison que le ravin devait être la route. J'avais remarqué dans mes excursions précédentes que les Grecs se dispensent de tracer un chemin toutes les fois que l'eau a bien voulu se charger de la besogne. Dans ce pays où l'homme contrarie peu le travail de la nature, les torrents sont routes royales, les ruisseaux routes départementales, les rigoles chemins vicinaux. Les orages font l'office d'ingénieurs des ponts et chaussées, et la pluie est un agent voyer qui entretient sans contrôle les chemins de grande et de petite communication. Je m'enfonçais donc dans le ravin, et je poursuivis ma promenade entre 2 rives escarpées qui me cachaient la plaine, la montagne et mon but. Mais le chemin capricieux faisait tant de détours que bientôt il me fut difficile de savoir dans quelle direction je marchais. Et si je ne tournais pas le dos au Parnasse ? Le parti le plus sage eût été de grimper sur l'une ou l'autre rive et de m'orienter en plaine. Mais les talus étaient à pic, j'étais là, j'avais faim, et je me trouvais bien à l'ombre. Je m'assis sur un galet de marbre. Je tirai de ma boîte un morceau de pain, une épaule d'agneau froide et une gourde du petit vin que vous savez. Je me disais, si je suis sur un chemin, il y passera peut-être quelqu'un, et je m'informerai. En effet, comme je refermais mon couteau pour m'étendre à l'ombre avec cette douce quiétude qui suit le déjeuner des voyageurs et des serpents, je crus entendre un pas de cheval. J'appliquai une oreille contre terre, et je reconnus que 2 ou 3 cavaliers s'avançaient derrière moi. Je bouclai ma boîte sur mon dos, et je m'apprêtais à les suivre, dans le cas où ils se dirigeraient sur le Parnasse. 5 minutes après, je vis apparaître 2 dames montées sur des chevaux de manège et équipées comme des Anglaises en voyage. Derrière elles marchait un piéton que je n'eus pas de peine à reconnaître. C'était Dimitri. Vous qui avez un peu couru le monde, vous n'êtes pas sans avoir remarqué que le voyageur se met toujours en marche sans aucun souci des vanités de la toilette, mais que s'il vient à rencontrer des dames, fussent-elles plus vieilles que la colombe de l'arche, il sort brusquement de cette indifférence et jette un regard inquiet sur son enveloppe poudreuse. Avant même de distinguer la figure des 2 Amazones derrière leur voile de crêpe bleue, j'avais fait l'inspection de toute ma personne, et j'avais été assez satisfait. Je portais les vêtements que vous voyez et qui sont encore présentables, quoiqu'ils me servent depuis bientôt 2 ans. Je n'ai changé que ma coiffure, une casquette. Fût-elle aussi belle et aussi bonne que celle-ci, ne protégerait pas un voyageur contre les coups de soleil. J'avais un chapeau de feutre gris à large bord, où la poussière ne marquait point. Je l'ôtai poliment sur le passage des 2 dames, qui ne parurent pas s'inquiéter grandement de mon salut. Je tendis la main à Dimitri, et il m'apprit en quelques mots tout ce que je voulais savoir. « Suis-je bien sur le chemin du Parnasse ?»« Oui, nous y allons. Je peux faire route avec vous ?»« Pourquoi pas ?»« Qu'est-ce que ces dames ?»« Mes Anglaises, le Milord est resté à l'hôtel. »« Quelle espèce de gens ?»« Peu des banquiers de Londres. la vieille dame et Madame Simon de la maison Barlet et compagnie, le Milord et son frère, la demoiselle et sa fille. Jolie, suivant les goûts. J'aime mieux Fotini. Irez-vous jusqu'à la forteresse de Filet? Oui, elles m'ont pris pour une semaine, à 10 francs par jour et nourrie. C'est moi qui organiserai les promenades. J'ai commencé par celle-ci parce que je savais vous rencontrer. Mais quelle guêpe les pique! La vieille dame, ennuyée de voir que je lui empruntais son domestique, avait mis sa bête au trot sur un passage où, de mémoire de cheval, personne n'avait jamais trotté. L'autre animal, piqué au jeu, essayait de prendre la même allure, et si nous avions causé quelques minutes de plus, nous étions distancés. Dimitri court rejoindre ces dames, et j'entendis Madame Simon lui dire en anglais. « Ne vous éloignez pas, je suis anglaise et je veux être bien servie. Je ne vous paye pas pour faire la conversation avec vos amis. Qu'est-ce que ce grec avec qui vous causiez ?»« C'est un Allemand, madame. »« Ah, qu'est-ce qu'il fait ?»« Il cherche des herbes. » »« C'est donc un apothicaire ?»« Non, madame, c'est un savant. » »« Ah, sait-il l'anglais ?»« Oui, madame, très bien. » »« Ah !» Les trois « ah » de la vieille dame furent dits sur 3 tons différents que j'aurais eu du plaisir à noter si j'avais su la musique. Ils indiquaient par des nuances bien sensibles les progrès que j'avais faits dans l'estime de Madame Simon. Cependant, elle ne m'adressa pas la parole, et je suivis la petite caravane à quelques pas de distance. Dimitri n'osait plus causer avec moi. Il marchait en avant, comme un prisonnier de guerre. Tout ce qu'il put faire en ma faveur fut de me lancer 2 ou 3 regards, qui voulaient dire en français « Que ces Anglais sont pain bêche !» Miss Simon ne retournait pas la tête, et j'étais hors d'état de décider en quoi sa laideur différait de celle de Fotini. Ce que je pus voir sans indiscrétion, c'est que la jeune Anglaise était grande et merveilleusement faite. Ses épaules étaient larges, sa taille ronde comme un jonc et souple comme un roseau. Le peu qu'on apercevait de son cou m'eût fait penser aux cygnes du jardin zoologique, quand même je n'aurais pas été naturaliste. Sa mère se retourna pour lui parler, et je doublai le pas, dans l'espoir d'entendre sa voix. Ne vous ai-je pas averti que j'étais passionnément curieux? J'arrivais juste à temps pour recueillir la conversation suivante. « Marie-Anne. »« Maman ? » ?»« J'ai faim. » »« Avez-vous ? » ?»« J'ai. » »« Moi, maman, j'ai chaud. » »« Avez-vous ? » Vous croyez que ce dialogue éminemment anglais me fit sourire ? Point du tout, monsieur, j'étais sous le charme. La voix de Marie-Anne avait suivi je ne sais quel chemin pour pénétrer je ne sais où. Le fait est qu'en l'écoutant, j'éprouvais comme une angoisse délicieuse, et je me sentis très agréablement étouffé. De ma vie, je n'avais rien entendu de plus jeune, de plus frais, de plus argentin que cette petite voix. Le son d'une pluie d'or tombant sur le toit de mon père m'aurait paru moins doux en vérité. Quel malheur, pensais-je en moi-même, que les oiseaux les plus mélodieux soient nécessairement les plus laids. Et je craignais de voir son visage, et pourtant je mourais d'envie de la regarder en face, tant la curiosité a d'empire sur moi. Dimitri comptait faire déjeuner les 2 voyageuses au Khan de Calivia. C'est une auberge construite en planches mal jointes. On y trouve en toute saison une outre de vin résiné, une bouteille de raki, c'est-à-dire d'anisette, du pain bis, des œufs et tout un régiment de vénérables couveuses que la mort transforme en poulet, en vertu de la métempsycose. Malheureusement, le camp était désert et la porte fermée. À cette nouvelle, Madame Simon fit une querelle très aigre à Dimitri, et comme elle se retournait en arrière, elle me montra une figure aussi anguleuse que la lame d'un couteau de Sheffield, et 2 rangées de dents semblables à des palissades. « Je suis anglaise, disait-elle, et j'ai la prétention de manger lorsque j'ai faim. » « Madame, répliqua piteusement Dimitri, vous déjeunerez dans une demi-heure au village de Castia. » Moi qui avais déjeuné, je me livrais à des réflexions mélancoliques sur la laideur de Madame Simon, et je murmurais entre mes dents un aphorisme de la grammaire latine de Frogman. « Telle mère, telle fille. Calis mater, talis filia. » Depuis le camp jusqu'au village, la route est particulièrement détestable. C'est une rampe étroite, entre un rocher à pic et un précipice qui donnerait le vertige aux chamois eux-mêmes. Madame Simon, avant de s'engager dans ce sentier diabolique, où les chevaux trouvaient bien juste la place de leurs 4 fers, demanda s'il n'y avait pas un autre chemin. « Je suis anglaise, dit-elle, et je ne suis pas faite pour rouler dans les précipices. » Dimitri fit l'éloge du chemin. Il assurait qu'il y en avait 100 fois pire dans le royaume. « Au moins, reprit la bonne dame, tenez la bride de mon cheval. Mais que deviendra ma fille? conduisez le cheval de ma fille. Cependant, il ne faut pas que je me rompe le cou. Ne pourriez-vous pas tenir les deux chevaux en même temps? Ce sentier est détestable en vérité. Je veux croire qu'il est assez bon pour des Grecs, mais il n'est pas fait pour des Anglaises. N'est-il pas vrai, monsieur? Ajouta-t-elle en se tournant gracieusement vers moi. J'étais introduit. Régulière ou non, la présentation était faite. J'arrivais sous les auspices d'un personnage bien connu dans les romans du Moyen-Âge, et que les poètes du XIVe siècle appelaient danger. Je m'inclinai avec toute l'élégance que la nature m'a permise, et je répondis en anglais. « Madame, le chemin n'est pas si mauvais qu'il vous semble à première vue. Vos chevaux ont le pied sûr, je les connais pour les avoir montés. Enfin, vous avez deux guides si vous voulez bien le permettre. Dimitri pour vous, moi pour mademoiselle. » Aussitôt fait, que dit, sans attendre une réponse, je m'avançai hardiment. Je pris la bride du cheval de Marie-Anne en me tournant vers elle, et comme son voile bleu venait de s'envoler en arrière, je vis la plus adorable figure qui ait jamais bouleversé l'esprit d'un naturaliste allemand. Un charmant poète chinois, le célèbre A Chol, prétend que chaque homme a dans le cœur un chapelet d'œufs, dont chacun contient un amour. Pour les faire éclore, il suffit du regard d'une femme. Je suis trop savant pour ignorer que cette hypothèse ne repose sur aucune base solide, et qu'elle est en contradiction formelle avec tous les faits révélés par l'anatomie. Cependant, je dois constater que le premier regard de Miss Simon me causa un ébranlement sensible dans la région du cœur. J'éprouvais une commotion tout à fait inusitée, et qui, pourtant, n'avait rien de douloureux. Et il me sembla que quelque chose s'était brisé dans la boîte osseuse de ma poitrine, au-dessous de l'os appelé sternum. Au même instant, mon sang courut par ondées violentes, et les artères de mes tempes battirent avec tant de force que je pouvais compter les pulsations. Quels yeux elle avait, mon cher monsieur! Je souhaite pour votre repos que vous ne rencontriez jamais de pareil. Il n'était pas d'une grandeur surprenante, et il n'empiétait pas sur le reste de la figure. Il n'était ni bleu ni noir, mais d'une couleur spéciale et personnelle, faite pour eux et broyée tout exprès sur un coin de la palette. C'était un brun ardent et velouté, qui ne se rencontre que dans le grenat de Sibérie et dans certaines fleurs des jardins. Je vous montrerai une scabieuse et une variété de rosée trémière presque noire, qui rappelle sans la rendre la nuance merveilleuse de ses yeux. Si vous avez jamais visité les forges à minuit, vous avez dû remarquer la lueur étrange que projette une plaque d'acier chauffée au rouge brun. Voilà tout justement la couleur de ses regards. Quant au charme qu'ils avaient, aucune comparaison ne saurait le rendre. Le charme est un don réservé à un petit nombre d'individus du règne animal. Les yeux de Marie-Anne avaient je ne sais quoi de naïf et de spirituel, une vivacité candide, un pétillement de jeunesse et de santé, et parfois une langueur touchante. Toute la science de la femme et toute l'innocence de l'enfant s'y lisaient comme dans un livre. Mais ce livre, on serait devenu aveugle à le lire longtemps. Son regard brûlait, aussi vrai que je m'appelle Hermann. Il aurait fait mûrir les pêches de votre espalier. Quand je pense que ce pauvre Dimitri la trouvait moins belle que Fotini. En vérité, l'amour est une maladie qui hébète singulièrement ses malades. Moi qui n'ai jamais perdu l'usage de ma raison, et qui juge toute chose avec la sage indifférence du naturaliste, je vous certifie que le monde n'a jamais vu une femme comparable à Marie-Anne. Je voudrais pouvoir vous montrer son portrait tel qu'il est resté gravé au fond de ma mémoire. Vous verriez comme ses cils étaient longs, comme ses sourcils traçaient une courbe gracieuse au-dessus de ses yeux, comme sa bouche était mignonne, comme l'émail de ses dents riait au soleil, comme sa petite oreille était rose et transparente. J'ai étudié sa beauté dans ses moindres détails, parce que j'ai l'esprit analytique et l'habitude de l'observation. Un des traits qui m'ont le plus frappé en elle, c'est la finesse et la transparence de la peau. Son épiderme était plus délicat que la pellicule veloutée qui enveloppe les beaux fruits. Les couleurs de ses joues semblaient faites de cette poussière impalpable qui enlumine les ailes des papillons. Si je n'avais pas été docteur S. Sciences naturelles, j'aurais craint que le frôlement de son voile n'emporta l'éclat fragile de sa beauté. Je ne sais pas si vous aimez les femmes pâles, et je ne voudrais point heurter vos idées, si par hasard vous aviez du goût pour ce genre d'élégance moribonde qui a été à la mode pendant un certain temps. Mais en ma qualité de savant, je n'admire rien tant que la beauté, cette joie de la vie. Si jamais je me fais recevoir médecin, je serai un homme précieux pour les familles, car il est certain que je ne m'éprendrai jamais d'une de mes malades. la vue d'une jolie figure saine et vivante me fait presque autant de plaisir que la rencontre d'un bel arbuste vigoureux dont les fleurs s'épanouissent gaiement au soleil et dont les feuilles n'ont jamais été entamées ni par les chenilles ni par les hannetons. Aussi, la première fois que je vis la figure de Marie-Anne, j'éprouvais une violente tentation de lui serrer la main et de lui dire « Mademoiselle, que vous êtes bonne de vous porter si bien !» J'ai oublié de vous dire que les lignes de sa figure manquaient de régularité et qu'elle n'avait pas un profil de statue. Phidias eût peut-être refusé de faire son buste, mais votre pradier lui eût demandé quelques séances à deux genoux. J'avouais, au risque de détruire vos illusions, qu'elle portait à la joue gauche une fossette qui manquait absolument à sa joue droite, ce qui est contraire à toutes les lois de la symétrie. Sachez de plus que son nez n'était ni droit ni aquilin, mais franchement retroussé à la française. Mais que cette conformation la rendit moins jolie, c'est ce que je nierais jusque sur l'échafaud. Elle était aussi belle que les statues grecques, mais elle l'était différemment. La beauté ne se mesure pas sur un type immuable, quoique Platon l'ait affirmé dans ses divagations sublimes. Elle varie suivant les temps, suivant les peuples et suivant la culture des esprits. La Vénus de Milo était, il y a 2000 ans, la plus belle fille de l'archipel. Je ne crois pas qu'elle serait en 1856 la plus jolie femme de Paris. Menez-la chez une couturière de la place Vendôme et chez une modiste de la rue de la Paix. Dans tous les salons où vous la présenterez, elle aura moins de succès que Madame telle ou telle, qui a les traits moins corrects et le nez moins droit. On pouvait admirer une femme géométriquement belle dans le temps où la femme n'était qu'un objet d'art destiné à flatter les yeux sans rien dire à l'esprit, un oiseau de paradis dont on contemplait le plumage sans l'inviter à chanter jamais. Une belle Athénienne était aussi bien proportionnée, aussi blanche et aussi froide que la colonne d'un temple. M. Mérinet m'a fait voir dans un livre que la colonne ionique n'était qu'une femme déguisée. Le portique du temple d'Erechté, à l'acropole d'Athènes, repose encore sur 4 Athéniennes du siècle de Périclès. Les femmes d'aujourd'hui sont de petits êtres ailés, légers, remuants et surtout pensants, créés non pour porter des temples sur leur tête, mais pour éveiller le génie, pour égayer le travail, pour animer le courage et pour éclairer le monde aux étincelles de leur esprit. Ce que nous aimons en elles et ce qui fait leur beauté, ce n'est pas la régularité compassée de leurs traits, c'est l'expression vive et mobile de sentiments plus délicats que les nôtres. C'est le rayonnement de la pensée autour de cette fragile enveloppe qui ne suffit pas à la contenir. C'est le jeu pétulant d'une physionomie éveillée. Je ne suis pas sculpteur, mais si je savais manier l'ébauchoir et qu'on me donna à faire la statue allégorique de notre époque, je vous jure qu'elle aurait une fossette à la joue gauche et le nez retroussé. Je conduisis Marie-Anne jusqu'au village de Castia. Ce qu'elle me dit le long du chemin et ce que j'ai pu lui répondre n'a pas laissé plus de traces dans mon esprit que le vol d'une hirondelle n'en laisse dans les airs. Sa voix était si douce à entendre que je n'ai peut-être pas écouté ce qu'elle me disait. J'étais comme à l'opéra, où la musique ne permet pas souvent de comprendre les paroles. Et pourtant, toutes les circonstances de cette première entrevue sont devenues ineffaçables dans mon esprit. Je n'ai qu'à fermer les yeux pour croire que j'y suis encore. Le soleil d'avril frappait à petits coups sur ma tête. Au-dessous du chemin et au-dessus, les arbres résineux de la montagne semaient leurs aromates dans l'air. Les pins, les thuyas, les térébintes semblaient brûler un encens âpre et rustique sur le passage de Marie-Anne. Elle aspirait avec un bonheur visible cette largesse odorante de la nature. Son petit nez mutin frémissait et battait des ailes. Ses yeux, ses beaux yeux, couraient d'un objet à l'autre avec une joie étincelante. En la voyant si jolie, si vive et si heureuse, vous auriez dit une dryade échappée de l'écorce. Je vois encore d'ici la bête qu'elle montait. C'était le Bzari, un cheval blanc du manège de Zimmermann. Son amazone était noire. Celle de Madame Simon, qui me fermait l'horizon, était d'un vert bouteille assez excentrique, pour témoigner de l'indépendance de son goût. Madame Simon avait un chapeau noir, de cette forme absurde et disgracieuse que les hommes ont adoptée en tout pays. Sa fille portait le feutre gris des héroïnes de la Fronde. L'une et l'autre étaient gantées de chamois. La main de Marie-Anne était un peu grande, mais admirablement faite. Moi, je n'ai jamais pu porter de gants, et vous ? Le village de Castia se trouve à désert, comme le camp de Calivia. Dimitri n'y pouvait rien comprendre. Nous descendîmes de cheval auprès de la fontaine devant l'église. Chacun de nous s'en alla frapper de porte en porte. Pas une âme. Personne chez le papas, personne chez le parèdre. L'autorité avait déménagé à la suite de la population. Toutes les maisons de la commune se composent de 4 murs et d'un toit, avec 2 ouvertures dont l'une sert de porte et l'autre de fenêtre. Le pauvre Dimitri prit la peine d'enfoncer 2 ou 3 portes et 5 ou 6 volets, pour s'assurer que les habitants n'étaient pas endormis chez eux. Tant d'effractions ne servirent qu'à délivrer un malheureux chat oublié par son maître, et qui partit comme une flèche dans la direction des bois. Pour le coup, Madame Simon perdit patience. « Je suis anglaise, dit-elle à Dimitri, et l'on ne se moque pas impunément de moi. Je me plaindrai à la légation. Quoi, je vous loue pour une promenade dans la montagne, et vous me faites voyager sur des précipices? Je vous ordonne d'apporter des provisions, et vous m'exposez à mourir de faim. Nous devions déjeuner au camp, et le camp est abandonné. J'ai la constance de vous suivre à Jeun jusqu'à cet affreux village, et tous les paysans sont partis. Tout cela n'est pas naturel. J'ai voyagé en Suisse. La Suisse est un pays de montagne. Et cependant, je n'y ai manqué de rien. J'y ai toujours déjeuné à mes heures, et j'ai mangé des truites, entendez-vous ? » Marie-Anne essaya de calmer sa mère, mais la bonne dame n'avait pas d'oreille. Dimitri lui expliqua comme il put que les habitants du village étaient presque tous charbonniers, et que leur profession les dispersait assez souvent dans la montagne. En tout cas, il n'y avait pas encore de temps de perdu. Il n'était pas plus de 8 heures, et l'on était sûr de trouver à 10 minutes de marche une maison habitée et un déjeuner tout près. « Quelle maison ?» demanda Mistress Simon. « La ferme du couvent. Les moines du Pentélic ont de vastes terrains au-dessus de Castia. Ils y élèvent des abeilles. Le bon vieillard qui exploite la ferme a toujours du vin, du pain, du miel et des poules. Il nous donnera à déjeuner. Il sera sorti comme tout le monde. S'il est sorti, il ne sera pas loin. Le temps des essaims approche et il ne peut pas s'écarter beaucoup de ses ruchers. Allez-y voir, moi j'ai assez voyagé depuis ce matin. Je fais vœu de ne pas remonter à cheval avant d'avoir mangé. Madame, vous n'auriez pas besoin de remonter à cheval, reprit Dimitri, patient comme un guide. Nous pouvons attacher nos bêtes à l'abreuvoir et nous arriverons plus vite à pied. Marie-Anne décida sa mère. Elle mourait d'envie de voir le bon vieillard et ses troupeaux ailés. Dimitri fixa les chevaux auprès de la fontaine, en posant sur chaque bride une grosse pierre pesante. Madame Simon et sa fille relevèrent leurs amazones, et notre petite troupe s'engagea dans un sentier escarpé, fort agréable assurément aux chèvres de Castia. Tous les lézards verts qui s'y chauffaient au soleil se retirèrent discrètement à notre approche, mais chacun d'eux arracha un cri d'aigle à la bonne Madame Simon, qui ne pouvait pas souffrir les bêtes rampantes. Après 1 quart d'heure de vocalise, elle eut enfin la joie de voir une maison ouverte et un visage humain. C'était la ferme et le bon vieillard. La ferme était un petit édifice en briques rouges, coiffé de 5 coupoles, ni plus ni moins qu'une mosquée de village. À la foire de loin, elle ne manquait pas d'une certaine élégance. Propre en dehors, sale en dedans, c'est la devise de l'Orient. On voyait aux environs, à l'abri d'un monticule hérissé de thym, une 100aine de ruches en paille, posées à terre sans façon et alignées au cordeau comme les tentes dans un camp. Le roi de cet empire, le bon vieillard, était un petit jeune homme de 25 ans, rond et guilleret. Tous les moines grecs sont décorés du titre honorifique de bon vieillard, et là je n'y fais rien. Il était vêtu comme un paysan. Mais son bonnet, au lieu d'être rouge, était noir. C'est à ce signe que Dimitri le reconnut. Le petit homme, en nous voyant accourir, levait les bras au ciel et donnait les signes d'une stupéfaction profonde. « Voilà un singulier original, » dit Madame Simon. « Qu'a-t-il donc tant à s'étonner ? On dirait qu'il n'a jamais vu d'anglaise. » Dimitri, qui courait en tête, baisa la main du moine et lui dit avec un curieux mélange de respect et de familiarité. « Bénissez-moi, mon père. Tors le cou à 2 poulets, on te paiera bien. »« Malheureux, » dit le moine, « que venez-vous faire ici ?» « Déjeuner ? Tu n'as donc pas vu que le camp d'en bas était abandonné ? Je l'ai si bien vu que j'y ai trouvé visage de bois. » « Et que le village était désert ? Si j'y avais rencontré du monde, je n'aurais pas grimpé jusque chez toi. Tu es donc d'accord avec eux ? Eux qui ? Les brigands ? Il y a des brigands dans le Parnasse ? Depuis avant-hier. Où sont-ils ? Partout. Dimitri se retourna vivement vers nous et nous dit : Nous n'avons pas une minute à perdre. Les brigands sont dans la montagne. Courons à nos chevaux. Un peu de courage, mesdames, et des jambes, s'il vous plaît. Voilà qui est trop fort, cria Madame Simon, sans avoir déjeuné. Madame, votre déjeuner pourrait vous coûter cher. Hâtons-nous, pour l'amour de Dieu. Mais c'est donc une conspiration. Vous avez juré de me faire mourir de faim. Voici des brigands maintenant. Comme s'il y avait des brigands. Je ne crois pas aux brigands. Tous les journaux annoncent qu'il n'y en a plus. D'ailleurs, je suis anglaise, et si quelqu'un touchait un cheveu de ma tête... Marie-Anne était beaucoup moins rassurée. Elle s'appuya sur mon bras et me demanda si je croyais que nous fussions en danger de mort. De mort, non, de vol, oui. Que m'importe, reprit Madame Simon, qu'on me vole tout ce que j'ai sur moi et qu'on me serve à déjeuner. J'ai su plus tard que la pauvre femme était sujette à une maladie assez rare, que le vulgaire appelle faim canine, et que nous autres savants nous baptisons du nom de boulimie. Lorsque la faim l'apprenait, elle aurait donné sa fortune pour un plat de lentilles. Dimitri et Marianne la saisirent chacun par une main et l'entraînèrent jusqu'au sentier qui nous avait amenés. Le petit moine la suivait en gesticulant et j'avais une violente tentation de la pousser par derrière. Mais un petit sifflement net et impératif nous arrêta sur nos pieds. Tss, tss. Je levai les yeux. Deux buissons de lentisques et d'arbousiers se serraient à droite et à gauche du chemin. De chaque touffe d'arbre sortaient trois ou quatre canons de fusil. Une voix cria en grec. « Asseyez-vous à terre !» Cette opération me fut d'autant plus facile que mes jarrets pliaient sous moi. Mais je me consolais en pensant qu'Ajax, Agamemnon et le bouillant Achille, s'ils s'étaient vus dans la même situation, n'auraient pas refusé le siège qu'on m'offrait. Les canons des fusils s'abaissèrent vers nous. Je crus voir qu'ils s'allongeaient démesurément et que leur extrémité allait venir se rejoindre autour de nos têtes. Ce n'est pas que la peur me trouble à la vue. Mais je n'avais jamais remarqué aussi sensiblement la longueur désespérante des fusils grecs. Tout l'arsenal déboucha bientôt dans le chemin, et chaque canon montra sa crosse et son maître. La seule différence qui existe entre les diables et les brigands, c'est que les diables sont moins noirs qu'on ne le dit, et les brigands plus crottés qu'on ne le suppose. Les huit sacripants qui se mirent en cercle autour de nous étaient d'une telle malpropreté que j'aurais voulu leur donner mon argent avec des pincettes. On devinait avec un peu d'effort que leur bonnet avait été rouge, mais la lessive elle-même n'aurait pas su retrouver la couleur originelle de leurs habits. Tous les rochers du royaume avaient des teints sur leurs jupes de percale, et leurs vestes gardaient un échantillon des divers terrains sur lesquels ils s'étaient reposés. Leurs mains, leurs figures et jusqu'à leurs moustaches étaient d'un gris rougeâtre comme le sol qui les portait. Chaque animal se colore suivant son domicile et ses habitudes. Les renards du Groenland sont couleur de neige, les lions couleur de désert, les perdrix couleur de sillon, les brigands grecs couleur de grand chemin. Le chef de la petite troupe qui nous avait fait prisonniers ne se distinguait par aucun signe extérieur. Peut-être cependant sa figure, ses mains et ses habits étaient-ils plus riches en poussière que ceux de ses camarades. Il se pencha vers nous du haut de sa longue taille et nous examina de si près que je sentis le frôlement de ses moustaches. Vous auriez dit un tigre qui flaire sa proie avant d'y goûter. Quand sa curiosité fut satisfaite, il dit à Dimitri « Vide tes poches !» Dimitri ne se le fit pas répéter deux fois. Il jeta devant lui un couteau, un sac à tabac et trois piastres mexicaines qui composaient une somme de 16 francs environ. « Est-ce tout ?» demanda le brigand. « Oui, frère. »« Tu es le domestique ?»« Oui, frère. Reprends une piastre. » Tu ne dois pas retourner à la ville sans argent. » Dimitri marchanda. « Tu pourrais bien m'en laisser deux, dit-il. J'ai deux chevaux en bas. Ils sont loués au manège, il faudra que je paye la journée. Tu expliqueras à Zimmermann que nous t'avons pris ton argent. Et s'il veut être payé quand même ? Réponds-lui qu'il est trop heureux de revoir ses chevaux. Il sait bien que vous ne prenez pas les chevaux. Qu'est-ce que vous en feriez dans la montagne ? Assez. Dis-moi quel est ce grand maigre qui est auprès de toi. » Je répondis moi-même. « Un honnête Allemand, dont les dépouilles ne vous enrichiront pas. Tu parles bien le grec, vide tes poches. » Je déposai sur la route une 20aine de francs, mon tabac, ma pipe et mon mouchoir. « Qu'est cela ? » demanda le grand inquisiteur. « Un mouchoir. Pourquoi faire ? Pour me moucher. Pourquoi m'as-tu dit que tu étais pauvre ? Il n'y a que les milords qui se mouchent dans des mouchoirs. Ôte la boîte que tu as derrière le dos. Bien, ouvre-la. » Ma boîte contenait quelques plantes, un livre, un couteau, un petit paquet d'arsenic, une gourde presque vide, et les restes de mon déjeuner qui allumèrent un regard de convoitise dans les yeux de Madame Simon. J'eus la hardiesse de les lui offrir avant que mon bagage changeât de maître. Elle accepta gloutonnement et se mit à dévorer le pain et la viande. À mon grand étonnement, cet acte de gourmandise scandalisa nos voleurs, qui murmurèrent entre eux le mot de schismatique. Le moine fit une demi-douzaine de signes de croix, suivant le rite de l'église grecque. « Tu dois avoir une montre, me dit le brigand, mets-la avec le reste. » Je livrai ma montre d'argent, un bijou héréditaire du poids de 4 onces. Les scélérats se la passèrent de main en main et la trouvèrent fort belle. J'espérais que l'admiration qui rend l'homme meilleur les disposerait à me restituer quelque chose, et je priai leur chef de me laisser ma boîte de fer blanc. Il m'imposa rudement silence. « Du moins, lui dis-je, rends-moi 2 écus pour retourner à la ville. » Il répondit avec un rire sardonique, « Tu n'en auras pas besoin. » Le tour de Madame Simon était venu. Avant de mettre la main à la poche, elle interpella nos vainqueurs dans la langue de ses pairs. L'anglais est un des rares idiomes qu'on peut parler la bouche pleine. « Réfléchissez bien à ce que vous allez faire, dit-elle d'un ton menaçant. Je suis anglaise et les citoyens anglais sont inviolables dans tous les pays du monde. Ce que vous me prendrez vous servira peu et vous coûtera cher. L'Angleterre me vengera et vous serez tous pendus pour le moins. Maintenant, si vous voulez de mon argent, vous n'avez qu'à parler. Mais il vous brûlera les doigts, c'est de l'argent anglais. Que dit-elle ? Demanda l'orateur des brigands. Dimitri répondit. Elle dit qu'elle est anglaise. Tant mieux, tous les Anglais sont riches. Dis-lui de faire comme vous. La pauvre dame vida sur le sable une bourse qui contenait 12 souverains. Comme sa montre n'était pas en évidence et qu'on ne faisait pas mine de nous fouiller, elle la garda. La clémence des vainqueurs lui laissa son mouchoir de poche. Marie-Anne jeta sa montre avec tout un trousseau d'amulettes contre le mauvais œil. Elle lança devant elle, par un mouvement plein de grâce mutine, un sac de peau de chagrin qu'elle portait en bandoulière. Le brigand l'ouvrit avec un empressement de douanier. Il en tira un petit nécessaire anglais, un flacon de sels anglais, une boîte de pastilles de menthe anglaise et 100 et quelques francs d'argent anglais. « Maintenant, dit la belle impatiente, vous pouvez nous laisser partir, nous n'avons plus rien à vous. » On lui indiqua par un geste menaçant que la séance n'était pas levée. Le chef de la bande s'accroupit devant nos dépouilles, appela le bon vieillard, compta l'argent en sa présence et lui remit une somme de 45 francs. Madame Simon me poussa le coude. « Vous voyez, me dit-elle, le moine et Dimitri nous ont livrés, on partage avec eux. »« Non, madame, répliquai-je aussitôt. » Dimitri n'a reçu qu'une aumône sur ce qu'on lui avait volé. C'est une chose qui se fait partout. Au bord du Rhin, lorsqu'un voyageur s'est ruiné à la roulette, le fermier des jeux lui donne de quoi retourner chez lui. Mais le moine, il aperçut la dîme du butin en vertu d'un usage immémorial. Ne lui reprochez pas, mais plutôt sachez lui gré d'avoir voulu nous sauver quand son couvent était intéressé à notre capture. Cette discussion fut interrompue par les adieux de Dimitri. On venait de lui rendre sa liberté. « Attends-moi, lui dis-je, nous retournerons ensemble. » Il hocha tristement la tête et me répondit en anglais, pour être compris de ces dames. « Vous êtes prisonnier pour quelques jours, et vous ne reverrez pas Athènes avant d'avoir payé rançon. Je vais avertir le milord. Ces dames ont-elles des commissions à me donner pour lui ? » « Dites-lui, cria Madame Simon, qu'il court à l'ambassade, qu'il aille ensuite au Pirée trouver l'amiral, qu'il se plaigne au Foreign Office, qu'il écrive à Lord Palmerston. » On nous arrachera d'ici par la force des armes ou par autorité de la politique. Mais je n'entends pas qu'on débourse un penny pour ma liberté. Moi, repris-je, sentant en colère, je te prie de dire à mes amis dans quelles mains tu m'as laissé. S'il faut quelques centaines de drachmes pour racheter un pauvre diable de naturaliste, ils les trouveront sans peine. Ces messieurs de grand chemin ne sauraient me coûter bien cher. J'ai envie, tandis que tu es encore là, de leur demander ce que je vaux au plus juste prix. « Inutile, mon cher monsieur Hermann, ce n'est pas eux qui fixeront le prix de votre rançon. »« Et qui donc ? Leur chef, Agis Stravos. »